Au sortir de la guerre, il n'y a pas de marchandises, il n'y a pas de grands magasins, il n'y a pas de grandes surfaces. Au sortir de la guerre, les gens n'ont rien dans les armoires. Et nous sommes des commerçants qui passons dans les villages pour vendre. Ça s'appelle faire du porte-à-porte. Gérard Yeznikian, j'ai 80 ans, aux belles étoffes, à Besançon. Il ne faut pas dire à l'avance. Hein. Je dis, moi, les deux trucs que je t'ai dit que je ne voulais pas faire, je ne voulais pas faire de chimie, je ne voulais pas faire du textile. J'ai fait de la chimie, je fais du textile et j'étais content. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus ? Pierre Muller, hein, 87 ans. Ben, j'ai fait 30 ans de service, 35 ans même de service dans ce métier, quoi. Dans l'usine de Pfastatt, l'usine d'impression de Pfastatt, affectée à la division d'assistance technique à l'étranger, concernant essentiellement les usines d'Afrique. Au sortir de la guerre, après 4 ans de guerre, les stocks sont usés, les chemises, les cols sont usés, tout. Oui. Voilà, il y a un marché fabuleux, mais il n'y a pas de marchandises. Alors, le peu qu'il y a, c'est vendu. Après, arrive la 2 chevaux, la 4 chevaux, les gens achètent des voitures, les gens vont en ville. Les grandes surfaces font apparition. Sinon, tous les gens achetaient dans l'épicerie du village, il y avait tout. Il y avait la mercerie, il y avait le quincaillier, il y avait le marchand de chaussures. Enfin, chaque village avait. Et puis après, très vite, on achète une camionnette, on fait les foires, les marchés. Et puis après, on achète un magasin, on se sédentarise et on devient des commerçants. On vient sur Besançon et on est devenu commerçant à Besançon. Quand les gens de l'extérieur ne savent pas un métier, tu sais pas. Je ne sais pas si un copain a été plus intéressant. Bon, j'ai un autre copain qui était à l'usine de Vieux-Tan de produits chimiques. Si c'était plus intéressant de fabriquer de l'acide sulfurique et de l'eau de Javel. Hein. Je ne sais pas si c'était plus passionnant que moi. Hein. Ça, je ne peux pas te le dire. Hein. C'est ma fille qui a pris la suite, donc je l'aide. Mais voilà. Ma fille, elle est née dans le tissu. Hein. Je faisais encore les foires, les marchés quand elle est née. Donc... Elle a vu les pièces de tissu arriver, elle a mis les étiquettes au centre, elle a touché, elle sait, elle a appris. C'est sur le tas. Hein. On voit un spécialiste, quoi, tout de suite, si c'est un vrai ou un faux. Alors tu me montres un machin, je te dis tout de suite si c'est un vrai ou un faux. Bien sûr, il y a des usines de textiles, mais pour faire des ingénieurs textiles, pour faire des cadres, pour faire des choses comme ça. Mais pour la vente du tissu au maître... Mais moi, les yeux fermés, je touche un tissu, je vais vous dire ce que c'est. Bah. Regardez, ça c'est le secret de la réussite. C'est pas quelques mètres de tissu. Les gens faisaient leurs colorants eux-mêmes dans les usines encore. Tu sais, c'est le colorant alizarine. Et tous les procédés d'impression, les procédés étaient inventés par les usines, inventaient leurs propres machins. Donc, à l'époque, seuls les gens UP et quelques pourcentages de gens achetaient dans le prêt-à-porter. Sinon, tout le monde cousait pour ses enfants. Et puis, on cousait pour l'aîné. Et puis, le troisième, il usait ce que l'aîné n'avait pas. Il y avait au moins 2 ou 3 usines d'impression dans le temps à Mulhouse. Hein. Plus ou moins importantes. Mais nous, on était la plus importante. On était peut-être presque l'une des plus importantes de France. Hein. C'est difficile à dire parce que la France était pionnière, c'était le phare du textile en Europe. Et au bout de 30-40 ans, les responsables, les gouvernementaux, ont laissé crever. Parce que nous, on comptait toujours en pièces, et les pièces, c'est 100 mètres. Et on fait 2000 pièces par jour, 2000 pièces de 100 mètres. Mais en Afrique, on en faisait autant, hein. Et moi, je comptais à peu près, quand je faisais mes calculs prévisionnels de production, je comptais du 20 pièces à l'heure. Donc, ça fait 2000 mètres à l'heure. Alors, compte. Et on travaillait au Cameroun en 3 équipes. Alors, hein? 40 000 mètres, 50 000 mètres de tissu dans tout l'établissement. Moi, du jour au lendemain, surtout, je te dis bien, je m'étais jamais occupé d'impression avant, hein? Moi, j'avais fait de la teinture, j'avais fait du blanchiment, j'avais fait de l'assistance dans les usines, mais rien en impression. Et du jour au lendemain, je suis responsable de l'impression africaine. Puis nous, on n'a pas choisi notre métier. Il fallait qu'on aide nos parents. Les fils d'émigrés, la première chose qu'ils font, première génération, ben, ils aident les parents. Et en aidant les parents, ben, on apprend le métier sur le terrain. Et puis après, on devient donc le marchand qu'on est devenu. Les fils d'émigrés, quand mes parents sont arrivés en France, comme ouvriers, comme main-d'œuvre, une fois qu'ils ont fini leur contrat de 2 ans, pas besoin de dessin. À quoi voulez-vous qu'ils accèdent s'ils ne veulent pas rester ouvriers ? Vraiment, d'abord, on a le dessin. Encore au jour d'aujourd'hui, je vends la doublure d'une poche avec autant de conviction. Même pour 2 euros, j'ai autant de conviction que si je vendais pour 200 euros ou 2000 euros. Vous restez 5 ans avec moi, vous allez voir, vous allez connaître le tissu.